Bonjour amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Les enseignants nouvellement recrutés dans la province Bururi réclament les lettres d'affectation. Le responsable de l'éducation dans cette province tranquillise. Les compagnies minières qui avaient été suspendues peuvent reprendre leurs activités avec le mois de mars de cette année. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministère ayant en charge les mines. Et à Gitega, l'on vous parlera de la suspension des activités de l'abattoir de la ville de Gitega, bientôt une semaine. Voilà pour les titres. La radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, grogne chez certains parmi les enseignants nouvellement recrutés dans la province scolaire de Bururi. Ils disent ne pas avoir eu leur lettre d'affectation depuis leur recrutement au début de l'année scolaire en cours et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Antoine Nsabiyumva, directeur provincial de l'éducation à Bururi, dit que seuls les recrues de deux communes et des six que compte cette province restent à servir. Il informait que cette question trouvera bientôt une solution. Le point avec Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des enseignants nouvellement recrutés en commune Zanda de la province de Bururi indique que depuis le recrutement au début du premier trimestre de l'année scolaire, après passation d'un test, ils n'ont pas encore obtenu leur lettre d'affectation. Ils indiquent qu'ils sont considérés dans ces conditions comme des journaliers et voudraient qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Certains directeurs d'école ou presque ces nouveaux recrues disent qu'à part qu'ils ne sont pas tranquilles, ces enseignants continuent de constituer un lourd fardeau à l'école et partant aux parents d'élèves, étant donné que les heures prestées avant l'obtention de leur lettre d'affectation seront payées par l'école en collaboration avec les parents. Ces directeurs voudraient eux aussi que cette question soit vidée. Antoine Nsabiyumva, responsable de la province scolaire de Bururi, dit qu'à part la commune scolaire de Vianda, il reste encore la commune scolaire de Mugamba après la récente régularisation de la commune scolaire de Bururi sur ce dossier et cela faisant suite aux réclamations dans ces communes qui ont obligé la Commission nationale de recrutement à faire des descentes sur le terrain. Ce responsable scolaire se veut tout de même rassurant. Il informe suivre de près ce dossier à la Commission nationale de recrutement et selon lui, il est à un stade avancé. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. De Bururi, rendons-nous à Muyinga où l'école fondamentale de Nyamarumba de la direction communale de l'éducation à Muyinga fait face à plusieurs défis, à savoir les toitures des salles de classe qui suintent en temps pluvieux, l'insuffisance et la vétusté des bancs pupitres ainsi que l'insuffisance du personnel enseignant. Ces défis sont à l'origine du faible rendement observé à cet établissement scolaire selon le responsable de cette école. Malgré ces défis, le directeur de cette école, Sinesi Wangirinama, se dissatisfait du taux de réussite de 53% atteint pour la toute première fois au concours national édition 2021. Le point avec Pierre Clavé Barundi. L'écofo Nyamarumba de la DCE Muyinga, qui occupe toujours la dernière place dans le classement provincial au concours national, fait face aux différents défis. Sinesi Wangirinama, le nouveau directeur de cette école, en fait une description. L'école date de 1985 et la toiture est vraiment vieille. L'école laisse écouler l'eau de la pluie jusqu'à l'intérieur de la classe et cela cause des problèmes sur les élèves et les enseignants. Pendant la pluie, les élèves, en même temps que les enseignants, quittent la classe pour aller s'abriter dans les grises ou bien chez les voisins ou dans les autres classes où les toitures sont encore en bon état. Il signale aussi la vétusté des pupitres qui chancèlent alors qu'en moyenne, 6 élèves partagent un même banc. Les bas pupitres sont vieux. Ils nécessitent un renouvellement et cela demande des frais en provenance des parents. Les manuels scolaires manquent aussi. Sur le côté matériel pédagogique, nous pouvons dire que de la troisième à la sixième année, les livres des élèves nous manquent beaucoup. Que ce soit les livres de français ou les premières pages sont vraiment déchirées. Et les livres de Kirundi sont presque inexistants. Oui, ça nous demande d'acheter, même si les moyens sont difficiles à avoir. Malgré sa dernière place au classement, classement provincial, le directeur Bangilinama se réjouit du taux de réussite de 53% enregistré au concours de 2021, une première dans l'histoire. L'année passée, au concours national, ils ont réussi à 53,6%. Et j'ai remarqué que c'est la première fois que la classe de 9e année à l'école Fonyamarumba a réussi à 53%. Ce directeur demande aux instances habilitées de réfectionner cette école et de lui octroyer le matériel didactique pour qu'il s'attelle à l'amélioration du rendement scolaire. Pietrave Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. De Muyinga, rendons-nous à Bubanza où la direction provinciale de l'éducation dit être à l'œuvre pour actualiser les listes des enseignants vacataires qui n'ont pas été payés depuis 2012. Claude Badougaritse, directeur provincial de l'éducation à Bubanza, précise qu'il y a une note du ministère de l'éducation qui exige la finalisation de ces listes jusqu'au 30 courant pour que ces vacataires soient régularisés. Son responsable de l'éducation à Bubanza ajoute que les parents, en collaboration avec les communes de cette province, contribuent pour payer les enseignants volontaires qui appuient pour pallier le manque d'enseignants. Suivez à ce propos Claude Badougaritse, il est directeur provincial de l'éducation à Bubanza. La direction provinciale de Bubanza, mais aussi comme dans d'autres provinces, il y a des vacataires qui ont travaillé de 2012 jusqu'en 2021. Le ministère de l'éducation et de la recherche scientifique nous a envoyé très récemment une note nous demandant donc de donner les données actualisées jusqu'au 30 janvier pour que ces vacataires puissent avoir donc leur montant. C'est-à-dire que cette situation va trouver une solution dans les meilleurs délais. Au niveau de la commune, ils ont quand même constaté ce manque criant de personnel et enseignants. Ils ont quand même mobilisé les intellectuels de leurs communes respectives afin qu'ils puissent aider dans l'éducation de ces enfants. Et ces bénévoles se sont présentés. Et alors, du fait qu'il s'agit de bénévoles, quand même les communes ont essayé de s'organiser pour que ces bénévoles puissent avoir quand même un petit montant pour les inciter ou bien pour les encourager à travailler donc d'une façon responsable. C'est-à-dire, par exemple, dans la commune de Manda, la commune de Manda a investi une somme de 15 millions par année scolaire pour le paiement de ses enseignants volontaires. Au niveau même des parents, on a quand même organisé aussi des parents dans toutes les écoles pour qu'ils puissent aussi contribuer dans le paiement de ses enseignants bénévoles. C'est-à-dire que tous les élèves de cette commune payent entre 800 et 1000 francs quand même pour qu'on puisse couvrir toutes les dépenses prévues pour payer ces enseignants volontaires. Restons toujours dans cette province du nord-ouest du pays où les cantines scolaires ne sont pas fonctionnelles actuellement dans cette province située suite à une rupture de stock qui s'observe dès le mois dernier. Certains directeurs d'école ainsi que les parents déplorent les faits et disent que les absences des élèves deviennent nombreuses suite à ce problème. Le coordinateur provincial des cantines scolaires reconnaît cette rupture de stock et précise que c'est le PAM qui peut fournir plus d'explications, Space Caritas Kabanyana correspondance. La rupture de stock dans les cantines scolaires s'observe dans toutes les écoles fondamentales de la province de Bubanza qui ont ces cantines. Et c'est depuis le mois dernier, selon le directeur des écoles que nous avons approché. Les parents se demandent pourquoi cette activité s'est arrêtée alors que ça avait poussé les enfants à aimer l'école, surtout ceux des familles vulnérables. Quand ils arrivent à l'école dans les heures de midi, ils passent par la cuisine et n'y trouvent rien, surtout les petits-enfants de la première, deuxième et troisième année, selon les enseignants de Gihanga que nous avons approchés. Ils précisent que certains enfants dorment alors en classe, d'autres rentrent expliquant qu'ils ont faim. Les élèves, les parents et les éducateurs demandent que ces stocks soient encore approvisionnés afin d'éviter que les enfants abandonnent l'école comme ça a été le cas au début de cette année scolaire 2021-2022. Le coordonnateur provincial au niveau du diocèse de qui assure la supervision des cantines scolaires dans les provinces de Bubanza, Cibitoke et une partie de Bujumbura, reconnaît que les stocks des cantines scolaires sont vides depuis le mois dernier. Gordien Bakureho ajoute que les cantines scolaires dans ces provinces sont au nombre de 292. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h06, poursuivons cette édition. Les négociations entre le gouvernement et les compagnies minières suspendues vont bon train. Ce sont les propos du porte-parole du ministère en charge des mines. La reprise des travaux de ces compagnies pourrait commencer avec la fin du mois de mars, indique Leonda Sindaigaya, porte-parole de son ministère. Suivez-le. Il y a une mesure du gouvernement qui a suspendu l'extraction des minerais. Pour revisiter un peu les différents textes qui étaient utilisés pour constituer des contrats gagnant-gagnant, car il a été constaté que les minerais, les ressources minières que le bon Dieu nous a réservées dans ce pays étaient profitées plus. Aux sociétés minières qu'au Burundi. Alors, le gouvernement a suspendu cette extraction. Et nous espérons que ça va reparler. Il y a des pourparlers, il y a des négociations. Nous espérons que d'ici la fin du premier trimestre, que ça va reprendre. Suspension des activités de l'abattoir SI dans la ville de Gitega depuis une semaine. Motif, la régie des eaux a coupé l'eau suite à une facture impayée de plus de 8 millions de francs. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Gitega dit qu'il va s'informer sur ce sujet qu'il ignorait au moment où l'administrateur de la commune Gitega promet de s'exprimer ultérieurement. Les bouchers et parler de grandes pertes et prient aux concernés de trouver solution à ce problème. Gérard Nebigir. Les bouchers de Gitega disent que la suspension des activités de l'abattoir de la ville de Gitega pendant toute une semaine suite à une coupure d'eau par la régie des eaux est une grande perte pour eux. Cela parce qu'ils ont acheté des vaches qui n'ont pas été abattues et qui maigrissent progressivement du moment qu'elles sont gardées dans un endroit où elles ne reçoivent pas assez d'herbe car ces bouchers n'ont pas planté d'herbe. Ils demandent alors aux personnes habilitées de mettre fin à ce problème de paiement des arriérés de la facture d'eau de la régie des eaux de plus de 8 millions de nos francs. Ceux qui grillent des brochettes dans des bistrots se rabattent aux chèvres ou achètent de la viande de vache dans d'autres provinces ou alors ils l'achètent dans la commune de Bugendana de la province de Gitega, connue de grandes productrices de vaches dans cette province. Il en est de même pour la viande vendue au marché central de Gitega. Les conséquences de cela sont donc que la taille des morceaux de brochettes a été sensiblement réduite et chez certains bouchers, un kilo de viande de vache sans eau coûte 12 000 francs alors que son prix antérieur était de 10 000 francs. Le chef d'antenne de la régie des eaux, région centriste, Jean-Claude Manirakiza, indique que le compteur d'eau situé à l'abattoir de Gitega porte le nom du ministère de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement, d'où c'est lui qui devrait payer ses arriérés de factures d'eau. Cependant, le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Gitega, Oscar Ouikunze, signale qu'il ne connaissait pas ce dossier et qu'il va en faire un suivi. L'abattoir de Gitega est implanté dans la propriété de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie FABI de l'Université du Burundi Campus Izege. Ainsi, le chef de la ferme de la FABI et de cet abattoir, Réverier Nimirangeza, précise que c'est la commune Gitega qui devrait payer la facture d'eau car c'est elle qui perçoit les taxes depuis très longtemps. Il ajoute que les étudiants de la FABI ne font que des visites d'études et des travaux pratiques dans cet abattoir. De son côté, l'administrateur de la commune Gitega, Dr Jacques Ndouimana, promet de s'exprimer ultérieurement. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Alphonse Kougimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Gardez l'écoute. Au revoir. De la presse. Bonjour ou bonsoir, suivant votre zone d'écoute. Quand le président de la République pose un geste spectaculaire dans le domaine culturel, constate l'agence burundaise de presse. En effet, explique ce journal, Évariste Ndayishimiye a posé un geste hors du commun en s'habillant la tenue des tambourinaires burundais, en battant le tambour sous le rythme de la chanson Uruharamba qu'il a entonné lui-même. L'ABP précise que c'était ce mercredi 18 janvier 2022 à Gitega, en commune Guiheta, au sanctuaire des tambours de Gishora, quand le couple présidentiel visitait ce site. La visite à Gishora s'inscrit dans le cadre du périple touristique que le chef de l'État avait entreprise depuis le début de cette année en cours, où nombreux sites touristiques ont été visités, souligne encore l'ABP. De son côté, l'éditorialiste du journal Burundi Echo fait remarquer que les photos et les vidéos de Neva en visite inédite à Gishora inondent les réseaux sociaux. Les commentaires fusent de partout, les internautes ont été émus de voir un président en exercice jouer au tambour pieds nus hors du tapis rouge déroulé souvent aux grandes personnalités. Pour couronner le tout, écrit cet hebdomadaire, il a pris le lead pour émerveiller le public. Il s'agit d'un message fort envoyé aux institutions ayant le tourisme dans leurs attributions pour promouvoir le tourisme et surtout relever les défis qui hantent ce secteur. Mais, regrette ce confrère spécialisé dans les questions socio-économiques, le musée vivant de Bujumbura, qui devrait être le reflet de la richesse artistique, culturelle et animalière du Burundi, se transforme peu à peu en une véritable forêt urbaine. L'entretien des locaux et la prise en charge des animaux laisse à désirer, pointe Burundi Echo. En septembre dernier, une dizaine de reptiles ont été libérés dans le parc national de la Rusizi, faute de moyens pour leur prise en charge. Revue de la presse. Buterere, face à la recrudescence du paludisme, alerte le journal Iwacu. Avec 6 patients hospitalisés en moyenne par jour dans différentes structures sanitaires de cette zone du nord de Bujumbura, les professionnels de santé approchés sont unanimes. Sans la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, le pire est à redouter. Si l'on en croit les données épidémiologiques du district sanitaire, rien qu'au cours de janvier 2022, plus de 500 cas ont été enregistré. Avec la flambée des cas de paludisme, les structures sanitaires sont au bord de l'implosion, s'inquiète son confrère. Parmi les causes de cette recrudescence, l'automédication, une habitude qui à la longue entraîne la résistance de l'agent pathogène aux antipaludéens pris sans la prescription du médecin. Un médecin explique à notre confrère que c'est cela qui est à l'origine des formes graves de la maladie. Il estime qu'un seul choix s'impose. Les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et les pulvérisations intradomiciliaires doivent reprendre. La Régie nationale des postes et télécommunications souffre d'un grand nombre du personnel sans compétences requises pour mieux prester afin de générer des bénéfices, selon la directrice générale de la Poste, rapporte Net Presse, qui précise que c'était lors d'une visite de la ministre de la Communication et de la Technologie de l'Information et des Médias, Léocadie Ndachaïsawa, ce mercredi 19 janvier 2022, au siège de la Poste nationale. Un autre problème est lié au logiciel qui n'est pas maîtrisé alors que ses concepteurs sont basés à l'étranger depuis 3 ans. Comme conséquence, poursuit ce quotidien à ligne, la Poste ne peut pas confectionner de rapports, ne peut pas non plus évaluer le travail accompli afin de dégager l'état financier de la Poste et ainsi planifier des projets. L'éducation inclusive se développe à l'Université Espoir d'Afrique, constate la voix de l'enseignant. Une étudiante aveugle à cette université, en deuxième au département d'entreprise et gestion des affaires, affirme qu'elle suit les cours sans difficulté. Un enseignant d'anglais explique dans cet hebdomadaire de l'éducation que l'étudiante est au même niveau que les autres, qu'elle répond aux questions orales et fait la lecture des textes correctement en utilisant son syllabus en braille. Il demande aux parents et à ce genre d'enfants de les mettre à l'école sans complexe. Et ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndiokougayo et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.